Chapitre 4. La sincérité. Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Sourate 9, verset 119. Et ceux et celles qui sont véridiques. Sourate 33, verset 35. Alors que s'ils étaient véridiques envers Allah, cela serait meilleur pour eux. Sourate 47, verset 21. 54. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La sincérité mène à la vertu, et la vertu mène au paradis. L'homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un véridique. Le mensonge mène au vice, et le vice mène en enfer. L'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un menteur. Al-Bukhari et Muslim. 55. Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhuma, rapporte: J'ai retenu ces paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Renonce à ce qui suscite en toi un doute pour ce qui n'en suscite pas, car la sincérité procure la sérénité et le mensonge est source de doute. At-Tirmidhi a dit, Hadith Sahih. 56. Abu Sufyan Sakhr ibn Harb, radiyallahu anhu, rapporte que lorsqu'il fut longuement interrogé par Héraclius, l'empereur romain, au sujet des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répondit: Il nous ordonne d'adorer Allah seul, sans lui attribuer aucun associé, et de renoncer aux pratiques et aux croyances de nos ancêtres. Il nous ordonne aussi d'accomplir la prière, d'être sincère, vertueux, et de ne pas rompre les liens du sang. Al-Bukhari et Muslim. 57. Selon Abu Thabit, Sahl ibn Hunayf, radiyallahu anhu, l'un de ceux qui ont participé à la bataille de Badr, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah Ta'ala accorde le rang de martyr à celui qui le lui demande sincèrement, même s'il meurt dans son lit. Muslim. 58. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: L'un des prophètes, alayhimus salam, dit à son peuple avant de partir en expédition: Que celui qui a épousé une femme, mais n'a pas encore consommé le mariage, qui a construit une maison, mais n'en a pas posé le toit, ou qui a acheté des brebis ou des chamelles qui doivent mettre bas, ne me suive pas. À l'approche de la cité qui devait être attaquée, à l'heure de la prière de l'après-midi, al-Asr, ou peu avant, il s'adressa au soleil en ces termes: « Tu es soumise à la volonté d'Allah comme je le suis moi-même. Ô Allah, empêche-le de décliner », ajouta-t-il. Le soleil s'immobilisa donc jusqu'à ce qu'Allah lui ait accordé la victoire. Il rassembla le butin afin que le feu descende du ciel pour le consumer, mais en vain. Il dit alors: « Quelqu'un parmi vous a dérobé une partie du butin. Qu'un homme de chaque tribu me prête serment. » La main de l'un d'entre eux resta alors collée à celle du prophète qui dit à nouveau: « Le voleur du butin se trouve dans votre tribu. Que chacun de vous me prête serment. » Les mains de deux ou trois hommes restèrent collées à celle du prophète qui leur dit: « Le voleur est parmi vous. » Ils lui apportèrent alors une tête de vache en or qu'il déposa dans le butin. Le feu descendit alors et le consuma. Le prophète alayhi salatu wassalam ajouta: Aucun peuple avant nous n'a eu l'autorisation de jouir du butin de guerre. Puis Allah nous l'a rendu licite eu égard à notre faiblesse. Al-Bukhari et Muslim. 59. D'après Abu Khalid, Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Le vendeur et l'acheteur ont la possibilité de changer d'avis tant qu'ils ne se sont pas séparés. S'ils sont honnêtes et n'ont rien dissimulé, leur transaction est bénie. Mais s'ils dissimulent certaines choses et mentent, la vente n'est pas bénie. Al-Bukhari et musulmans.